Avec Neil Diamond, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Love on the Rocks en anglais. En français, ça s'appelle L'amour est mort. Et c'est un duo. Et nous le chantons avec une ravissante jeune fille qui chante bien et qui est mignonne, qui s'appelle Martine Sinclair. L'amour est mort, n'en parlons plus. Chacun sa route, chacun sa rue. Je vais au soleil, va où tu veux, où tu veux. L'amour est mort, et mort d'ennui, de trop de jours, de trop de nuits. Notre passé est un passé dépassé, dépassé. Moi, je veux courir les grands chemins, descendre en marche du train-train. Moi, je veux manger mon pain blanc, être un voyou, être un héros, être vivant. L'amour est mort, n'en parlons plus. Chacun sa route, chacun sa rue. Va au soleil, et s'il pleut, tant mieux, tant mieux. Moi, je veux courir aussi mes grands chemins aussi, descendre en marche du train-train. Moi, je veux manger aussi tout mon pain blanc aussi, être une reine, être une fille. L'amour est mort de trop d'amour. C'était trop fort, c'était trop lourd. Et jamais plus, ni moi non plus, nous ne dirons je t'aime.